مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. أخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية كوغ ديسبونسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب المفعول معه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل إن شاء الله في الأجرمية، وأخذنا في الدرس السابق الكلام عن باب المفعول لأجله. On a pu voir le bab la semaine dernière qui était en relation avec le مفعول لأجله. وذكرنا أن المفعول لأجله له أسامي. Que ce مفعول لأجله, il avait plusieurs dénominations. Comme il a évoqué Al-Mu'allif rahmatullah Al-Maf'ul li-ajali. Et on peut dire que ذلك Al-Maf'ul min-ajali ou bien Al-Maf'ul lahu. Toutes ces appellations-là, c'est pour un seul et même dénommé qui est Al-Maf'ul lahu ou bien li-ajali ou bien min-ajali. Ensuite, il avait évoqué rahimahullah ta'ala ta'rif Al-Maf'ul lahu. فقال رحمه الله تعالى هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. Il a évoqué que c'était le ism qui était mansoub, celui qui est évoqué afin de faire apparaître le sabab pour lequel le fi'l il a été, le fi'l il est survenu. Donc le sabab pour lequel l'action elle est survenue. On avait pu voir à travers la définition qu'il avait évoquée رحمه الله تعالى أن فيها قصور, qui elle était incomplète, qu'il fallait la compléter afin que la définition inshallah tabarak wa ta'ala soit adéquate pour le maf'ul li ajali ou bien maf'ul min ajali ou bien maf'ul lahu. On avait évoqué la définition qui est partagée dans les kutub de An-Nahw, celle qui est inshallah tabarak wa ta'ala bil intiqad, dans laquelle il n'y a pas de critique. Faqalu al maf'ul li ajali masdarun قلبي يذكر علة لحدث يذكر علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل. Donc on avait dit que cette définition était meilleure parce qu'on ressent à travers cette définition là les shurut qui sont demandées afin que le mafhul lahu tam il soit bien établi. Il a évoqué que ce soit un masdar, donc tout ce qui n'est pas masdar, parce qu'il lui avait dit al-mu'allif rahmatullah il a dit huwa al-ism, tam al-ism il est aham min al-masdar, al-masdar il est akhas. Donc sa définition tam il a généraliser al-mu'allif rahmatullah par rapport au ism, alors que al-maf'ul li ajali c'est juste un masdar, donc c'est akhas que le ism. Ensuite ils avaient dit que c'est un masdar, il faut que ce soit un masdar qui est qalbi, ay min al-hawas, min al-hawas al-batiniya, celles qui sont les actions de l'intérieur, tout ce qui est le cœur et l'akhirihi at-ta'zim وكذلك العلم والجهل, tout ce qu'on avait évoqué par rapport aux exemples الخوف نعم إلى آخره. Donc ça exclut tout ce qui est من الحواس الظاهرة بالجوارح, tout ce qui est les œuvres, يعني par les membres apparents, كالكتابة والقراءة والبناء والقعود والقيام إلى آخره. Et ils ont dit yuzkar illatan, il faut que ce soit une illa. Al maf'ul ajli, il faut que ce soit une illa de que le fi'l soit survenu. Et la bouda anna dhalika al masdar al qalbi alladhi yuzkar li illa li hadath al fi'l, la bouda an yusharik fi zaman al fi'l wa kadhalika fi al fa'il. Il faut qu'il y a, il faut qu'il soit muttahid par rapport au zaman et muttahid par kadhalika par rapport au fa'il. Enfin, maintenant, on avait évoqué des exemples, il y en a qui ne marchent pas. Si on dit, مثلا, safartu lil ilm, même si jamais, le safar, al-ilm, ça a été la illa de mon safar, c'était la cause de mon safar, lakin huna, c'est pas un maf'ul ajli. Même si jamais c'est un masdar, et kadhalika c'est un masdar qui est qalbi, lakin ha huna, il manque un shart qui est quoi? Al-ittihadu fi al-zaman. Parce que al-safar, ya'ti, ou yakun qabla al-ilm, qabla al-ta'allum. Le safar est l'avant, at-ta'allum wa talab al-ilm. Wa talab al-ilm yahsul ba'da. Fala, il n'y a pas d'ittihad par rapport à quoi? Par rapport au zaman. Et kadhalika, j'avais évoqué par rapport au fa'il. Mathalam, c'est l'exemple qu'on avait évoqué. Ahbabtuka li ta'zimika al-ilm. Ahbabtuka li ta'zimika al-ilm. Fata'zim huna kadhalika, c'est un masdar. C'est un masdar qui est qalbi. Kadhalika huna, c'est la illa. Lakin ha huna, il n'y a pas d'ittihad par rapport à quoi? Par rapport au fa'il. L'anna alladhi yu'azzim al-ilm, c'est pas moi. C'est pas celui qui fait l'action du fi'il. C'est pas le fa'il huna. Lakin c'est qui? C'est le damir qui est muttasil ala hadha al-masdar. Li ta'zimika et li ta'zimi ka anta. Donc là, il peut pas être un maf'ul li ajli parce qu'il manque la condition qui est al-ittihad fi al-fa'il. Et des exemples dans lesquels il y a ni mathal, c'est pas un masdar. قال سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام فللأنام علة الله عز وجل لا يعني وضع الأرض للأنام pour l'anam لكن ها هنا الأنام c'est pas un مصدر c'est pas un مفعول أجلي pourquoi parce que c'est pas un مصدر الأنام c'est pas un مصدر جئتك أو plutôt جئت للقراءة كذلك ها هنا القراءة c'est pas un مفعول لأجلي. Parce que Al-Qara'a, ça fait partie, c'est pas un fi'al, c'est pas un masdar qui est quoi, qui est qalbi. Lakin qui fait partie des hawas, al-wahira. Parce que le kitaba, c'est quoi? C'est une action des membres extérieurs. On avait pu évoquer Naham à la fin, on avait dit que si jamais l'une de ces conditions-là, elle n'est pas remplie, eh ben, on doit automatiquement faire apparaître le harf al-jar. Dans ce ism qui est venu pour illa, qui est venu comme cause. Comme, qui a été évoqué comme étant la cause de l'action du fi'l. On est obligé de lui rentrer le harfu jar. C'est pour ça qu'on a dit dans tous les exemples wal ard wada'aha lil anam ahbabtuka li ta'zimika li ta'zimika lil ilm jitu lil qira'a tam safartu lil ilm. Dans tous les exemples on a ramené quoi? Le harfu jar. Et c'est pas forcément l'am at-ta'lil lakin tous les huruf allati tadul ala at-ta'lil. Tous les huruf qui ont le sens du ta'lil, la justification. Donc ça c'était un khulasa de ce qu'on avait pu voir la semaine dernière. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala nous wasil dans ce bab là, et si jamais le temps il reste, on pourra peut-être inch'Allah terminer le matn bi'idhnillahi azza wa jalla. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qala babul maf'ul ma'a. Le dernier parmi les mansoubat qui va nous évoquer rahimahullah ta'ala, qui est bab al-maf'ul ma'a. Il nous dit rahimahullah ta'ala قال المفعول معه فقال هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل إنه دي رحمه الله تعالى المفعول معه سل اسم كي منصوب الذي يذكر لبيان أو بتقول لبيان من فعل معه الفعل c'est celui qui est évoqué tam afin celui qui est évoqué afin de mettre en avant celui avec qui l'action a été faite tam كما قال ها هنا قال جاء الأمير والجيش جاء الأمير والجيش أي جاء الأمير مع الجيش تام دوك لا سأمفعول مع لأنه اسم منصوب وذكر لبيان من فعل معه الفعل ها هنا سكي كيف الأكسيون سأل أمير كالأكسيون تلفا المجيء أنه جاء إلي فنو إلا يا نعم اسم كذلك كي كي لا أكمباني دان ست أكسيون تام سي بور سا كون أبل المفعول مع تام سي لو اسم كي أكمباني le fa'il qui a fait l'action. Si on peut traduire cela comme ceci. Wal ism al mansoub alladhi yuzkar li bayani man fu'ila ma'ahu al fi'l. C'est le ism al mansoub. C'est le ism qui accompagne le fa'il qui a fait l'action. Ja'a al amiru wal jaysha. Ça c'est La définition qu'a pu évoquer Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, et c'est une définition qui n'est pas mauvaise, y aller dans l'ensemble. Car ils ont évoqué d'autres ma'ani, lakin alladhi dhakara Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, c'est une définition qui est bonne. Certains ont évoqué, en ajout de la définition qu'il a ramenée, rahimahullah ta'ala, ils ont dit huwa al-ismu al-fadla. Ils ont dit c'est le ismu al-fadla. On a pu évoquer dans je ne sais plus quel bab, lakin quelle était la marna de fadla. Je crois que c'était dans le hal ou je ne sais plus. Al-muhim, non, c'est dans le hal. On a pu évoquer qu'est-ce que la fadla et qu'est-ce que était la umda. On a pu évoquer qu'une jumla, afin qu'elle ait un sens, il faut qu'elle ait des imad. Il faut qu'elle ait des imad. Il faut qu'elle ait des piliers dans sa phrase. Hein. Et on avait pu évoquer que les piliers dans la phrase nominale, c'était le mubtada wa al-khabar. Et que les piliers dans la phrase verbale, dans la jumla ismiya al-fi'liya, c'était al-fi'l wa al-fa'il. Et en dehors de cela, tout ce qui est évoqué, ce sont des fadla. Et c'est-à-dire, ce ne sont pas des rimas, ce ne sont pas des piliers sur lesquels repose le sens des phrases. Ce sont des ajouts, des éclaircissements qu'on a besoin. Lakin, les piliers des phrases, que ce soit nominal ou bien qu'ils soient verbales, ils sont bien connus. Enfin, ce ismu, ce bab, plutôt ce maf'ul mara, il ne fait pas partie des rimas. Des choses dont on a absolument besoin afin de comprendre une phrase, quelle que soit. Il y a un fi'liya ou ismiya. Il ne fait pas partie de ces choses-là. Donc on appelle quoi? Fadla. C'est une chose qui ne fait pas partie des piliers sur lesquels repose l'essence des phrases, soit nominal ou bien soit verbal. Enfin, certains ils ont évoqué al-fadla. Et c'est bien d'évoquer ce qaïd-là qui est al-ismu al-fadla al-mansoub ou bien al-ismu al-mansoub al-fadla. La basbihi, la basbihima. Car dans une des conditions, inshallah, qui va venir, ils évoquent que parmi les conditions afin qu'on reconnaisse le maf'ul maha, il faut que ce isme là, il faut qu'il soit fadla. C'est-à-dire que ce qui est avant lui peut se suffire de ce qui est après. Si on prend l'exemple matalan ja al amir, on peut se suffire de ce qui est après. Ja al amir, c'est une jumla qui est quoi? Qui est mufida. Ja al amir, istafanna que le amir il est venu. Fa ils disent que le comment on reconnaît le ismu maf'ul maha parmi ces dawabit, c'est que ma qablahu yastaghni amman ba'da. La chose qui est avant, peut se contenter et se suffire afin de donner un sens et ne pas avoir besoin de ce qui est après. Ma qablahu yastaghni amman ba'da. C'est pour ça qu'ils ont évoqué certains dans la définition du maf'ul maha ce qaidana qui est la base bihi important, qui est al-fadla. Donc on répète la définition du maf'ul maha avec la rectification qu'ont évoqué certains des ulama min al-nuhar. فقالوا هو الاسم الفضل المنصوب الذي يذكر لبيان ما plutôt لبيان من فعل معه الفعل. Ça c'est une définition qui est pas mal. Certains ont évoqué un peu plus de tafasil afin que ce soit un peu plus clair dans la définition, mais sinon la définition qu'il a évoquée rahimahullah ta'ala, c'est une bonne définition. Certains ont évoqué rahimahumullah, فقالوا هو الاسم الفضل المنصوب الذي وقع بعد الواو التي بمعنى المعية ليدل على شيء حصل الفعل بمصاحبته. Cette définition là elle est un peu longue. On peut se suffire de la définition qu'il a évoquée rahimahullah ta'ala. C'est les deux avant à converger dans un même sens, qui est quoi? Que ce maf'ul maha c'est une fadla, c'est à dire que ce qui est avant peut se passer de ce qui est après. Et elle est venue afin, plutôt on l'a évoqué dans la phrase, afin d'évoquer qui, avec le fa'il, a fait l'action. Qui l'a accompagné dans l'action qui est évoquée au fa'il. Ça c'est la définition du maf'ul ma'ahu. قال نحو قولك جاء الأمير والجيش. جاء فعل ماضي مبني على الفتحة. الأمير فاعل مرفوع بالفعل. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. والواو واو المعية. والجيش مفعول معه منصوب بالفعل وعلامته جزء نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. لسكون في العرب واو ودي واو المعية. ودي واو المعية. الواو واو المعية. قال واستوى الماء والخشبة. استوى الماء والخشبة. أي استوى الماء مع الخشبة. تمام. فاستوى فعل ماضي مبني على الفتحة. والماء فعل مرفوع بالفعل وعلامته رفعه الضمة الظاهرة في آخره والواو للمعية. والخشبة مفعول معه منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. Ça c'est la manière de procéder quand on fait de faire l'arabe lorsque on trouve dans la phrase un mafhoul معهم. إن شاء الله on va procéder الآن après avoir éclairci la définition du مفعول معه et d'avoir fait les عرب qui est en rapport avec le مفعول معه, les شروط qui sont évoquées afin de pouvoir dire que ce مفعول qui est venu après ce واو là, et bien c'est vraiment un مفعول معه. Parmi les choses qu'ils ont évoquées, rahimahumullah, comme on a pu évoquer à travers la définition, qalu huwa al-ismu al-fadla. Donc il faut que ce soit une fadla. Wa ma ma'na dhalika ay anna al-jumla allati qablaha tan'aqidu biduni, comme on a pu évoquer. Que la jumla qui est avant le waw al-ma'iyya, c'est une jumla qui peut se suffire de ce qui est après. Comme on peut le voir à travers les exemples qu'il a évoqués, rahimahullah ta'ala, ja'a al-amir, c'est une jumla qui est mufida. C'est-à-dire que si jamais j'ai un interlocuteur en face de moi, je lui dis ja'a al-amir, il va comprendre directement que al-amir ja, il n'a pas besoin d'autres éclaircissements, il a akharihi. Wastawa al-ma'u kazalika, si jamais je me tais et je dis istawa al-ma kazalika, as-sami', il va comprendre une fa'ida, que al-ma istawa. Enfin, parmi les conditions afin que le maf'ul maha ce soit maf'ul maha, il faut que ce soit une fadla. Ay ma'na dhalika anna al-jumlata tan'aqidu biduni. Que la jumla qui est avant le waw al-ma'iyya, ce soit une jumla qui est mufida, qui n'a pas besoin de ce qui est après. Elle peut se suffire de ce qui est après. Ça, c'est une des conditions afin qu'on puisse dire que le maf'ul maha ce soit un maf'ul maha. Tamam. Mathalan, si jamais je dis ishtaraka sa'idun wa khalil. Ishtaraka sa'idun wa khalil. Hauna, je peux pas dire ishtaraka sa'idun wa khalilan. C'est pas possible. Tamam. Parce que le waw huna, c'est pas waw al-ma'iyya. Là, le waw huna, c'est un harf atf. Comment on sait cela? Parce que la condition qui est le fait que le maf'ul maha ce soit une fadla, elle n'a pas été requise à huna. Parce que lorsqu'on dit ishtaraka sa'idun wa khalil, le verbe ishtaraka, la budda qui a une association. Al-insan ma yashtarik bi nafsihi. Il ne peut pas s'associer avec lui-même. Il faut qu'il y ait une autre personne avec lui. Faha huna, si jamais on regarde la phrase ishtaraka sa'idun وخليل هنا سببات وخليلا لماذا لأن الجملة التي قبل الواو المعية سبا إن جملة كي كوا تجمعون ساقات اللي بمفيدة اشترك سعيد la personne qui va entendre va dire اشترك سعيد مع من avec qui تام فها هنا le fait que الجملة لا تنعقد بدون أي بدون ما بعدها سببات خو ce qui après ça peut pas être un مفعول لي ça peut pas être un مفعول معها ça peut pas être un مفعول معها parce que la jumla elle a besoin de ce qui est après. Et le fait qu'elle a besoin de ce qui est après, là il y a une condition qui n'a pas été requise, qui est que la jumla il faut qu'elle soit mustaqilla, qu'elle n'a pas besoin de ce qui est après, kama qulna, et annaha tan'aqidu biduni. C'est-à-dire que le sens il est clair et a suffi de ce qu'il y a, elle n'a pas besoin de ce qui est après. Donc là, ishtaraka sa'idun wa khalilan, c'est le khata de dire cela. Tu es obligé de dire ishtaraka sa'idun wa khalilun parce que ishtaraka c'est obligé qu'il y ait une association, donc une personne avec une autre. Donc là c'est l'une des conditions qu'ils ont évoquées. La deuxième condition qu'ils ont évoquée, rahimahumullah ta'ala, ils ont dit que la budda an tasbiq waw al-ma'iyya jumla. La budda anna jumlatan tasbiqu waw al-ma'iyya. Waw al-ma'iyya, c'est celle qui est avant al-maf'ul lahu, al-maf'ul ma'ahu. Il faut que ce soit une jumla qui est avant. Ça veut dire que ça exclut tout ce qui est mufrad. Mufrad, on a pu voir un peu qu'est-ce qu'était le sens du mufrad. Lahuna, c'est le mufrad, c'est-à-dire que ce soit, il faut, mufrad c'est la kalima, al-mufrada, comme Khalil, comme مثلاً Muhammad il akhiri, c'est pas une jumla. C'est quoi le murad bil mufrad? Et alladhi laysa bi jumla. Donc là, il faut que ce soit une jumla. Et annahu laysa bi mufrad. C'est une khata, مثلاً, si jamais on dit kullu mar'in wa sha'nahu, en le rendant mansoub, sha'nahu. Kullu mar'in wa sha'nahu. Chaque personne et ses affaires. Chaque personne et ses affaires. يعني يصاحبن يصاحبن كما ils ont évoqué. Chaque personne كل مرء وشأنه لا هنا on peut pas dire شأنه. On peut pas dire شأنه كل مرء وشأنه. Pourquoi? Parce que أولا كل مرء c'est pas une jumla qui est quoi مستقلة. Elle a besoin d'une chose qui est après. كل مرء si quelqu'un vient et te dit كل مرء tu vas dire كل مرء وإيش. Il y a besoin d'une chose. Donc là déjà la première condition qui est quoi, qu'il faut qu'elle soit une fadla, elle a pas été requise. Deuxième condition, elle n'a pas été requise. Pourquoi? Kazalika, parce que la jumla qui est qabla waw al-ma'iyya, c'est pas une jumla qui est quoi? C'est pas une jumla. C'est pas une jumla, c'est une kalimat mafouda. Kullu mar'in. Il faut que ce soit une jumla dans laquelle il y a un fa'il. Parce que lorsqu'on le fait qu'on a parlé, il faut le fait qu'on a parlé que c'est un maf'oul, donc objet qui a un fa'il, il y a un fi'l et un fa'il, et objet qui a un fi'l et un fa'il, ça prenez-le comme cela, parce qu'on va voir aussi qu'il y a des cas dans d'autres kutub que celui qui va rendre mansoub le maf'oul ma'a, ça peut être kazalika un masdar, lakin inshallah ça peut être yani alladhi yaqum bi maqam al fi'l, un ism alladhi yaqum bi maqam al fi'l, lakin inshallah ça va venir après, prenez-le comme cela comme début. Le maf'oul ma'a, son ramil, c'est quoi? C'est un fi'l. Donc il faut que ce soit une jumla qui est quoi? Une jumla qui est fi'liya. Hada, c'est quoi? C'est al, on va pas dire al-asl, lakin, pour débuter, on va prendre juste un ramil, et inshallah, dans un autre livre, vous allez voir, le ramil, kazalika, qui peut être évoqué pour le maf'oul ma'a. Lakin, prenez-le comme cela, il faut que ce soit une jumla qui est quoi? Qui est fi'liya. Donc là, c'est pas le cas ici, kullu mar'in, c'est pas une jumla qui est quoi? Qui est fi'liya. Donc là, c'est impossible que sha'nahu il soit mansoub. On dira kullu mar'in wa sha'nahu, et le waw ce sera waw al-hatf. Kullu mar'in wa sha'nahu plutôt. Parce que vu que mar'in il est majrour, donc kadhalika, vu que c'est waw al-hatf, on a pu voir que entre les deux, il faut qu'il soit dans les arabes, il faut qu'il soit sawa. Donc on dira kullu mar'in wa sha'nahu. Ce que j'ai dit au début, wa sha'nahu, c'est une khata. Ça c'est la deuxième condition. Il faut que al-jumla lati tasbiqu waw al-ma'iyya, il faut que ce soit une jumla qui soit une jumla qui soit fi'aliya. Ça c'est al-asl pour les débutants. La troisième condition qu'ils ont évoquée, que le waw qui est évoqué, le waw il soit bima'na waw al-ma'iyya. Et ça c'est al-hasab al-niyya. Al-hasab al-niyya. Il faut que le waw il soit utilisé lil-ma'iyya. On va voir, il y a des halats dans lesquels c'est obligé que le waw ce soit un waw ma'iyya, ça ne peut pas être un autre waw. Et tu as des halats dans lesquels il est muhtamal que le waw qui a été évoqué, ça peut être un waw ma'iyya ou bien waw al-atf. Mathalan, l'exemple qu'il a évoqué, rahimahullah ta'ala, dans lequel il a dit j'ai al-amir ou al-jaysha. Al-an, dans cette jumla-là, j'ai le choix. Si je veux, je dis j'ai al-amir ou al-jaysha. Ou bien je dis j'ai al-amir ou al-jayshu. J'ai le choix. Parce que le waw ha'ona, ala hasab al-niyya. Si jamais ma niyya, c'est de dire que le waw c'est un waw ma'iyya, ce qui va venir après, il sera quoi? Il sera mansouf, il sera maf'oulun ma'a. Si jamais ma niya c'est d'évoquer al-atf, et, la conjonction de coordination qui est et bien là, dans ce cas-là, il faut qu'il soit al-hasab al-i'rab al-ladhi qablahu. Et vu que al-amir est marfou, donc jayish, kazalika, il faut qu'il soit marfou. Là, j'ai le choix. Là, dans ce cas-là, pourquoi j'ai le choix de pouvoir dire ja al-amiru wal-jayisha wa ja al-amiru wal-jayishu? Parce que tu peux comprendre al-ishtirak et tu peux comprendre kazalika al-ma'iyya. Il peut être dit ja al-amir avec le jaysh, comme tu peux dire ja al-amir et le jaysh. Donc le fait que dans la jumla on peut comprendre ceci et cela, dans ce cas là tu as le choix. Ala hasab al-niyya. Si jamais ta niyya c'est de mettre la conjonction de coordination qui est et, bah dans ce cas là il n'y a pas de problème, tu mets et, tu mets le waw alladhi hafa'at. Et le l'i'rab de la kalima qui va venir juste après, qui sera al-jaysh, qui est ma'douf, il sera ma'douf ala hasab ma qablahu. Et vu que al-amir est marfou, donc il sera marfou. Si jamais ta niya, c'est de dire ma'a, eh ben, tu vas observer le l'i'rab par rapport à al-jaysh, qui sera mansouf, en étant maf'oulun ma'ahu. Donc là, dans ce cas-là, tu as le choix. À partir de quel moment tu as le choix? C'est lorsque le waw, il sera muhtamal. Muhtamal al-ma'na. C'est-à-dire qu'on peut le comprendre comme étant waw al-ma'iyya, ou bien on peut le comprendre comme étant hafa'at. Parce qu'on peut le comprendre comme ceci et comme cela. Dans ce cas-là, tu as le choix de le rendre soit mansoub ou bien soit ma'touf ala hasab ma qablahu. Fa-mathalan, si jamais je dis ja'a abdullahi wa sa'idun ba'dah. Ja'abadullah, on va y arriver. Ja'abadullahi wa sa'idun ba'da. Est-ce que je peux dire à Hona Ja'abadullahi wa sa'idan ba'da? Ou bien je suis obligé de dire Ja'abadullahi wa sa'idun ba'da? Dans cette jumla-là, je suis obligé de dire wa sa'idun. Et le waw Hona, ça ne peut pas être waw al-ma'iyya. Dans certains cas, il n'y a pas de al-hasab al-niyya, selon ton intention. Il faut, lorsque tu veux utiliser maf'oul ma'a, il faut déjà awalan que la phrase, yani tu observes le sens de la phrase. Si jamais il est possible qu'on puisse sous-entendre le sens de ma'a, naam, dans ce cas-là c'est possible tu auras le choix de soit de rendre mansoub en étant maf'oul ma'a, ou bien avec le harf wa'ad, si jamais kazalika, on peut faire un ishtirak, c'est-à-dire une association entre les deux. Parce que c'est le but du waw al-'atf, c'est qu'il y a une association entre le ma'touf et le ma'touf alayhi dans l'action. Donc lorsque tu dis al-amir wal-jaysh, wal-jayshu, en même temps dhamma, c'est-à-dire que les deux se sont associés dans la venue, dans le fait qu'ils soient venus. Lakin, dans l'exemple que j'ai évoqué, qui est ja'a 'abdullahi wa sa'idun ba'da, voilà, le waw al-ma'iyya, il ne peut pas être évoqué. C'est pas possible. Parce que lorsqu'on dit ma'a, c'est-à-dire ils sont venus ensemble. Si jamais je dis le waw, c'est simple, tu le remplaces par le ma'a, ça voudrait dire, si jamais, maintenant, j'aurais dit dans le, par rapport à l'arabe, Ja abdullahi wa sa'idan ba'da, ça voudrait dire que j'ai dit Ja abdullah ma'a sa'idan ba'da. C'est pas possible. Comment ils sont venus ensemble et Sa'id est venu ba'da? C'est pas possible. Ja abdullahi ma'a sa'idin ba'da, c'est pas possible au niveau du sens. Donc là, c'est impossible que le waw huna, ce soit le waw al-ma'iyya. Et que la kalima qui est après, ce soit maf'ul ma'a. C'est impossible. Parce que le sens, il ne permet pas qu'on puisse évoquer waw al-ma'iyya et que le waw, ce soit bi ma'na al-ma'iyya. Donc il faut que, parmi les conditions, afin qu'il y ait un maf'ul ma'a, il faut que le waw al-ma'iyya, il faut que le waw, il soit évoqué pour al-ma'iyya. C'est-à-dire bi ma'na ma'a. Et si jamais tu le sous-entends, ce waw par ma'a, et que le sens il est erroné, khalas. C'est pas possible que la kalima qui va venir après le waw ce soit maf'ul ma'a. Comme l'exemple qu'on a évoqué, Ja abdullahi wa sa'idun ba'da. C'est impossible de dire Ja abdullahi wa sa'idan ba'da. Les anna, si jamais on dirait ça, ça voudrait dire que ils sont venus ensemble et Sa'id il est venu après. Et ça, c'est une contradiction. Ja abdullah ma'a sa'idin ba'da, c'est impossible. Lorsqu'on dit ma'a, c'est-à-dire qu'ils sont venus ensemble. Donc là, dans ce cas-là, il est obligé d'être quoi? Le waw, waw atf. On dira Ja abdullah wa sa'idun ba'da. Les deux sont venus. Parce qu'on a pu voir que le waw, parmi son sens, c'est quoi? Mutlaq al-jam'i. Que les deux se sont associés dans une action. Lakin, il n'y a pas de tartib. Enfin là, il y a un indice. Il n'y a pas de tartib, il n'y a pas de comment s'appelle de muhla et l'akhirita, les deux sont venus. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on dit maintenant on avait évoqué Ja abdullah wa sa'idun, ça ne veut pas dire que les deux sont venus ensemble. Les deux sont venus. Quand est-ce? Il y en a un qui est venu après l'autre ou bien l'un qui est venu avant l'autre et l'akhirhi. Ahamu shay, lorsqu'on dit Ja abdullah wa sa'idun, c'est que les deux sont venus ensemble. Wallahu a'lam. Pas ensemble, il y en a différemment. Wallahu a'lam. Un est venu avant l'autre et l'akhirhi. Wallahu a'lam. Les deux ils sont venus. Et lorsqu'on dit Ja abdullah wa sa'idun ba'da hahuna, ça peut pas être waw al-ma'iyya parce qu'on a évoqué ba'da. Le fait qu'on a évoqué ba'da, c'est en contradiction avec le fait de dire qu'ils sont venus ensemble. Donc là, dans ce cas-là, il ne peut pas être maf'oulun ma'ahu. Donc on récapitule les trois conditions qui sont évoquées afin que le maf'oul ma'a ce soit maf'oul ma'a. La première condition qu'on a évoquée, c'est que il faut que la jumla ce soit la jumla qui est qabla le waw, il faut que ce soit une jumla. Ils ont évoqué fadla bima'na annaha tastaghni 'amma ba'da. Elle n'a pas besoin de la chose qui est après. Comme ils ont dit, la jumla ay tan'aqidu biduni. Elle se suffit de. Elle n'a pas besoin de ce qui est après. Ja al-amir wal jayshu. Tu peux dire wal jayshu, comme on peut voir, wal jaysha. Huna, on peut dire wal jaysha, pourquoi? Parce que la jumla qui est qabla, le waw, c'est une jumla qui est comme mustaqilla. Ja al-jayshu. Ja al-amir, c'est quoi? C'est une jumla qui est mufida, qui n'a pas besoin de ce qui est après. La deuxième condition, il faut que la jumla qui est avant le waw, ce soit une jumla. Donc, il faut que ce soit une jumla, et comme on a pu voir, une jumla qui est fi'liya, ça c'est pour les débutants, pour le début. Inch'Allah, il y a d'autres choses qui remplacent cette jumla-là, lakin, il faut comprendre cela comme ceci. Pour le début, ce soit une jumla qui est quoi? Fi'liya. Fi'lun wa fa'il. La troisième condition, il faut que le waw il soit du ma'na al-ma'iyya, qui a une notion d'accompagnement dans l'action. Et si jamais ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, le waw, ça peut être que quoi? Harf wa atf. Pour conclure ce bab-là, on va évoquer, inshallah, tabaraka wa ta'ala, mata yajib que le maf'ul qui est plutôt que le ism qui est après le waw al-ma'iyya, mata yajib an yakuna mansouba, c'est-à-dire mata yajib que ce soit un maf'ul ma'a, et quand est-ce que il peut être maf'ul ma'a ou bien il peut être un ma'touf. Ils ont évoqué al-ulama al-nahm alim rahmatullah annahu yajib an yakuna al-waw lil ma'iyya, et que la kalima qui après ce soit maf'ul ma'a si jamais il n'y a pas la notion, il y a un élève à l'ishtirak. Il peut pas être, il n'y a pas une notion d'association entre ce qui vient après le waouh et ce qui vient avant. Comme ils ont évoqué, mathalan, sirtu wal qamar. Sirtu wal qamar. Faha huna, tu es obligé de dire sirtu wal qamar. J'ai voyagé avec le qamar. Ma'na dhalika, mon voyage s'est fait au moment où le qamar il était présent. Sirtu wal qamar. Ahuna, tu ne peux pas dire sirtu wal qamar. C'est impossible. C'est impossible de dire sirtu wal qamar. Pourquoi? Parce que si on évoque le waouh comme étant waouh al-atf, c'est-à-dire que j'ai voyagé avec le. J'ai voyagé et le qamar kadhalika a voyagé. Le voyage, le qamar, la yusafir, ou la yasir. Sirtu wal qamara, tu es obligé de dire sirtu wal qamara. Tu ne peux pas dire sirtu wal qamaru, parce que dans cette jumla-là, c'est impossible. La yaslur fihi ma'na l'ishtirak. Que les deux se sont associés dans la même action qui est quoi? Sirtu. Al-qamar la yasir. Ou maintenant tu dis safartu, safartu wal qamara. Safartu wal qamaru, ça c'est une khata. Al-qamar la yusafir. C'est mieux de dire safartu wal qamar, parce que le qamar est sûr. Il vogue, peut-être Allah Azza wa Jalla lui a donné la possibilité de bouger. Donc le safartu en vérité, c'est pas un bon exemple. Là, qui n'en dit safartu. Safartu wal qamaru, ça c'est une khata. L'an al qamar aslan wa faslan la yusafir. Donc là, c'est obligé que ce qui vient après le waw, ce soit maf'oul maha. Et le waouh bimman al-ma'iyya. Sir ou safartu wal qamara. Et safartu ma al-qamar. Et lorsque j'ai voyagé, le qamar il était présent. Le qamar il était présent. C'est pas un ma'na de l'écart que le qamar il a voyagé avec moi. C'est pas ça. Donc il y en a tous les djumal dans lesquels la yasluh fihi ma'na al-ishtirak. C'est-à-dire que ce qui est après le waouh et ce qui est avant se sont associés dans l'action du fi'l. Dans ce cas-là, il est obligé que le waw, ce soit un waw al-ma'iyya, et que la kalima qui vient après ce waw-là, ce soit un maf'ul maha. Si jamais, mathalan, je dis, j'ai'tu wal-mushafa. J'ai'tu wal-mushafa. Faha huna, al-mushaf, t'es obligé de dire, j'ai'tu wal-mushafa, bil-fatha, et que ce soit un maf'ul maha. Pourquoi? Parce que le waw, ha huna, ça peut pas être un waw, yani harfu'at. Parce que si jamais ce serait bima'na harfu'at, ma'na dhalika, anna al-mushaf ja'a. Parce que lorsqu'on dit j'ai'tu wal mushafa, si jamais on dit le waw c'est un harf af, c'est impossible. C'est comme si on disait j'ai'tu wa ja'a al mushaf. J'ai'tu wa ja'a al mushaf. C'est comme si on répétait. En fait, ce waw al atf, c'est afin d'éviter de répéter le fi'l qui est avant. J'ai'tu wal mushafa, tu es obligé de dire wal mushafa. Parce que tu ne peux pas dire j'ai'tu wa ja'a al mushafu. C'est impossible. Donc là, dans ce cas-là, kazalika, il est obligé d'être quoi, mansoub. Car là, il y a ce qui est le mythal que le waouh, ce sont harfa'at. C'est impossible. Donc, dans ce cas-là, il est obligé de maf'oul, maf'oulun maha. Et les exemples, il y en a kathira. Mathalan, naham. Nimtu wal imama. Nimtu wal imamata. Ha, huna. Est-ce qu'on peut dire Nimtu wal imamata et Nimtu wal imamatu, ou bien est-ce qu'on est obligé de dire Nimtu wal imamata? Je vous laisse, Inch'Allah, répondre. Pour voir si vous avez compris. Le maf'ul maha. Est-ce que dans cet exemple-là, on peut dire, j'ai le choix de dire Nimtu wal imamata wa Nimtu wal imamatu, ou bien est-ce que je suis obligé de dire Nimtu wal imamata? Celui qui a une réponse, Inch'Allah wa tabarak wa ta'ala, il écrit. Et ensuite, il argumente pourquoi on a la possibilité, ou bien pourquoi c'est obligé de dire Nimtu wal imamata. Wal imamata. Pourquoi est-ce que. Pourquoi on est obligé de dire hauna nimtu wal imamata? Et pourquoi on ne peut pas dire nimtu wal imamatu? Parce qu'on ne peut pas dire maha à la place de waw. Parce qu'on peut dire maha à la place de waw. Et surtout, parce que le waw, si jamais ça aurait été harf atf, c'est-à-dire que la imama, kazalika, elle a dormi. Nimtu wal imama, si on dit wal imamatu, c'est comme si on disait nimtu. ونامت العمامة نمت ونامت العمامة. Est-ce que la imama adore? Elle adore pas, elle fait pas cette action là. Donc à partir du moment que ce qui après ne fait pas l'action de ce qui avant, ça peut être que quoi? Waw al-ma'iyya. Ça peut être que le waw al-ma'iyya. Donc là c'est faux de dire, c'est une khata fil lugha de dire j'ai tout, ou plutôt nimtu, on va y arriver, nimtu والعمامة هذا خطأ. تبجي تدير نمت والعمامة et que ce soit du معنى المعية et نمت مع العمامة, j'ai dormi avec la عمامة. مشيت و مشيت والنعل. Est-ce qu'on dit مشيت والنعل, est-ce qu'on est obligé de dire مشيت والنعل ou bien on a le choix de dire والنعل والنعل؟ Donc là, mettez juste, yani, est-ce que c'est obligé ou bien est-ce qu'on a le choix? Je comprends directement. Mashaytu wa ni'al, obligé, parce que ni'al, la tamshi bi wahdiha. Ça ne marche pas par elle-même. Sinon, ça voudrait dire mashaytu wa mashat ni'al. Hada la yaslah. Hada la yaslah. Tamam. Ja'a al-amiru wal-jaysh. Hona, j'ai le choix. Ou bien est-ce que je suis obligé? Ja al amiru wal jaysh. Est-ce que j'ai le choix? Ou bien je suis obligé de le rendre mansoub? Là, on a le choix. Parce qu'on peut dire Ja al amir wal jaysh. Et le معنى ذلك حرف عطف. Ja al amiru wa ja al jaysh. C'est une chose qui est possible. Ja al dodia. Ja al amir wa ja al jaysh. Parce que le waw, c'est un حرف عطف. معنى ذلك c'est تعيد الفعل الذي قبلها. Tu réévoques le fait qui est avant. Ja al amiru wa ja al jayshu. Yaslah, tu peux dire cela. Donc dans ce cas-là, tu peux dire kadalika wa. C'est-à-dire wa harf atf. Et là, il sera marfa parce que ce qui est avant, il est marfa. Et tu peux dire kadalika ja al amiru wa al jaysha. Et bi ma'na wa al jaysha ma'a. Ja al amir ma'a al jaysh. Ma'a al jaysh. Donc à partir du moment où on a le choix. C'est-à-dire que la phrase يعني يصلح فيه الاشتراك, que tu peux associer la chose qui est avant le waw avec la chose qui est avant dans l'action, dans ce cas-là نعم يجوز لك, que tu n'es pas obligé de rendre mansoub et tu peux يعني observer le harf atf et l'arabe il sera à la hasab ma qablahu, il sera à la hasab ma qablahu. Dans l'exemple qu'il a évoqué istawa al-ma'u wal-khashab, ici est-ce qu'on peut dire istawa al-ma'u wal-khashaba? Ou bien on est obligé de istawa al-ma'u wal-khashabatu, est-ce qu'on a le choix entre les deux? Ou bien est-ce qu'on est obligé de dire istawa al-ma'u wal-khashabata? Istawa al-ma'u wal-khashabatu wal-khashabata, ou bien est-ce qu'on est obligé de dire istawa al-ma'u wal-khashabata? Ici, kadhalika on a le choix, parce que yajuz le harf, yani al-harf hauna. On peut dire istawa al-ma'u wastawa al-khashaba. Les deux istawa yadouz hada. Donc à partir du moment que yadouz fi al-ishtirak fi al-fi'l, et ben tu peux le rendre à la hasab, c'est-à-dire s'il est marfou' marfou', bon ha huna il sera marfou' parce que le ma il est marfou', tamam. Et si jamais tu veux, tu mets quoi? Waw al-ma'iyya, tu diras istawa al-ma'u wal-khashabata ay ma'a al-khashaba. Fahada c'est quoi la khulasa? Tamam, par rapport à l'i'rab de maf'oul ma'a. Mata yajib an takuna al-waw lil-ma'iyya? Si jamais la yasluh fi al-jumla al-ishtirak, c'est-à-dire là, on ne peut pas associer la chose qui est après à la chose qui est avant dans le fi'l, dans l'action. Si jamais c'est impossible, yajib an takun al-waw lil-ma'iyya wa an al-kalimata allati ba'daha takun maf'oulan ma'a. C'est obligé. Comme on avait évoqué, مثلاً, ji'itu, nimtu, wal-imamata. Ha huna la yajus. Que tu dis nimtu wal-imamatu. Hada la yajus. Parce que al-imama la tanam. Donc il n'y a pas d'ishtirak dans l'action. Et l'exemple qu'il a évoqué, ja al-amir wal-jaysha, ha huna t'as le choix. Ja al-amir wal-jaysha, si jamais c'est le waw al-ma'iyya, ala hasab al-niyya. Et tu peux dire kadhalika ja al-amir wal-jayshu, en disant que, en voulant répéter et dire que ja al-amir wa ja al-jayshu. Dans ce cas-là, tu as le droit. Et ça, inshallah, c'est la khulasa de maf'ul ma'a. Donc il a trois conditions. Il faut que la jumla ce soit une jumla mustaqilla, yani la jumla qui est avant le waw, une jumla qui est mustaqilla. Deuxième condition, il faut que ce soit une jumla. Troisième condition, il faut que le waw il soit bi ma'na al-ma'iyya. Donc ce sera à la hasab al-niyya dans certaines situations, et dans certaines situations il sera obligé d'être un waw al-ma'iyya à partir du moment que on peut pas avoir il peut pas avoir une association entre la chose qui est après le waw et la chose qui est avant le waw, comme on a pu évoquer, مثلاً, safartu wal qamara. Là, tu es obligé de dire safartu wal qamara, tu ne peux pas dire safartu wal qamaru, لأن القمر لا يسافر. Tu ne peux pas dire safartu wa safara al qamara. Là, il y a juste. Dans ce cas-là, tu es obligé il sera obligé d'être maf'oul ma'ahu al qamar dans cette situation-là. Donc, on poursuit ce qu'il a dit après. قال رحمه الله تعالى قال أما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات. نعم نتي رحمه الله تعالى كذلك من المنصوبات بس كلاي دي انتخا ديفوكي باب المنصوبات نتي رحمه الله تعالى كذلك من المنصوبات خبر كان كما نقول مثلا كان الله عليما حكيما فعليما وحكيما سي خبر كان الى منصوب تام اي سون avait pu le voir nous dire rahimahullah ta'ala dans le bab de kana on a pu voir que khabar kana il est mansub donc là il a pas répété tam il veut nous dire que la tansa ya ayyuha at-talib ana min al-mansubat khabar kana wa kadhalika qala wa ismu inna wa akhawatiha nam on a pu voir que ismu inna il est mansub tam inna allah sami'un alim tam inna allah sami'un alim fa ha huna lafz al-jalala il est mansub tam il est mansub. Et tous les asma de inna wa akhawatiha, comme on a pu voir la'alla, inna wa anna wa la'alla wa ka'anna wa il y avait quoi encore, j'ai oublié, la'ata ila akhiri, de ce qu'on avait pu voir, ils sont tous mansoub. Kadhalika, n'oublie pas que parmi les mansoubat, ismu inna wa akhawatiha. Qala faqad taqaddama dhikruhuma fil marfu'at. Donc on a pu le voir, donc là, il a évoqué ici, il n'a pas évoqué, rahimahullah ta'ala, vu qu'on avait déjà vu cela. Qala wa kadhalika at-tawabi'na. Kadhalika at-tawabi' par rapport à ce qu'on a pu voir, al-na'at, wa kadhalika at-tawkid, wal-badal, et le ma'touf, on a pu voir que ce sont des tawabi', c'est-à-dire ceux qui suivent dans les arabes avec la chose qui est avant. Donc si jamais il est mansoub, il sera mansoub, si il est marfou, il sera marfou, il est majrour. Donc ça, kadhalika, il nous dit, il a évité de répéter parce que c'est une chose qu'on a pu voir. فَقَالَ فَقَدْ تَقَدَّمَتْ هُنَكِ. Donc, ce qu'on avait pu voir dans Bab al-Tawabi', ça s'applique à Zalika Huna par rapport au mansoub, si jamais le matbou' il est quoi? Il est mansoub. Donc ça c'est la khulasa, inshallah, de ce dars d'aujourd'hui, par rapport au maf'oul, ma'a. Et ça c'est le dernier des mansoubat, et inshallah, tabaraka wa ta'ala, dans le dars al-Ati, on va rentrer dans le dernier bab qui est Bab al-Mahfoudat min al-Asma', c'est un bab qui est simple, inshallah, tabaraka wa ta'ala, et avec ce bab-là, on finira, inshallah, al-Ajramiyya. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala dans le dars à venir vendredi prochain. Et Inch'Allah tabaraka wa ta'ala poursuivre pour la suite. Les durus et kadhalika les conférences, on les fera Inch'Allah sur une plateforme qui s'appelle Mixler. Donc on ne fera plus les durus sur Poltak, excepté si jamais on rencontre une difficulté ou bien il y a un problème de connexion à sur ce Mixler. Donc Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, l'avantage de cette plateforme là, c'est que les auditeurs ils pourront suivre directement depuis le site, parce qu'il y a une extension qui permet cela, d'ouvrir la page du site et écouter directement ce qui se passera sur le site. On essaiera de mettre en place un programme de diffusion de conférences en arabe et en français, et Kazalika un programme dans lequel on va répondre à Kazalika et à certains des mails dans lesquels il y a des questions, et on va répondre, vu qu'on répond par l'écrit Kazalika, on fera un oral tamam, afin que la faïda soit beaucoup plus générale. Donc Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, à venir, ce changement de plateforme, ça sera d'ici peut-être une semaine, plutôt pas une semaine, mais d'ici deux semaines, trois semaines, tamam, Inch'Allah. Donc le cours de Ajrumiyya, à venir, Inch'Allah, ça se fera sur Paul Talk, et les cours qui seront à venir, Inch'Allah, après, c'est-à-dire le cours qu'on avait prévu, sur Ad-Dua, ça sera Inch'Allah sur Mixler. Et Kadhalika, pour la suite de la silsila dans le Nahwu, comme on a pu évoquer, tamam, on ne fera plus de cours en direct de Nahwu, lakin ça sera mis en ligne. Tamam. Là, j'ai commencé Inch'Allah avec le frère, Al-Mutamima. Donc Inch'Allah, on mettra Inch'Allah à la suite cette silsila qui va suivre dans Al-Nahwu. Tamam. Donc Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'y aura plus de cours en direct dans le Nahwu, lakin on mettra directement en ligne. Wa nas'Allah Azza wa Jal أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إن شاء الله تبارك وتعالى. La prochaine rencontre sera dimanche pour la conférence avec l'akh Munir al-Maghribi حفظه الله تعالى, et كذلك lundi إن شاء الله avec le cours de الوسطية avec l'akh Abu Hudhayfa Muhammad al-Maghribi. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبالجهود التي تبذل في هذا الموقع المبارك الطيب. فسي يبقى de questions inshallah par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est-à-dire au maf'ul ma'a, inshallah on se quitte sur cela. Et la plateforme c'est comme ça qu'elle s'écrit. Donc si jamais Kadhalika vous voulez vous inscrire, en plus vous pouvez vous inscrire quand même. Il y a une plateforme, il y a comment ça va faire barakallah, il y a une application pour le téléphone. Donc voilà inshallah, si jamais vous voulez prendre de l'avance, tapez Mixler et inshallah vous allez voir comment faire.